Ce sont les preuves légales qui sont prises en compte lors du verdict et non la conviction de l'accusé. Cela veut dire que lorsque nous jugeons un individu apostat d'après ses actes et ses paroles, nous le faisons car les preuves du Coran et de la Sunna nous l'ordonnent, et pas parce que l'accusé a conviction d'être coupable d'apostasie. Contrairement à ce que prétendent certains égarés en particulier, ceux qui polémiquent en faveur des savants serviteurs des Tawarites. Un musulman ne devient pas apostat tant qu'il est convaincu d'être musulman et de défendre la vérité. Exemple. Si un homme adore un autre qu'Allah en pensant que c'est ce qu'Allah lui a demandé de faire et que c'est sa conviction, nous n'allons pas prendre en compte son opinion pour le juger, car nous n'avons foi qu'en la foi d'Allah uniquement. Or, la loi d'Allah stipule que celui qui adore un autre qu'Allah est un mécréant, et c'est la seule source de jugement prise en compte chez les musulmans. Exemple actuel. Les dirigeants arabes sont aujourd'hui tous coupables, non pas d'une, mais bien d'une multitude de causes d'apostasie et de sacrilège. Mais malgré cela, des savants du mal se sont mis à leur service pour les défendre et pour donner des fatwas pour interdire la rébellion contre eux, et à leur donner des fatwas pour leur permettre certains de leurs actes. Eh bien, à partir du moment où ces savants du mal savent ce que font ces tawarites, et malgré cela les défendent contre les musulmans, ils sont apostats, même s'ils sont convaincus que leurs dirigeants sont des musulmans monothéistes et que ceux qui se rebellent contre eux sont des khawarij hérétiques. Car ce qui compte, lors du verdict, ce sont les preuves de la loi islamique et non la conviction de l'accusé. Allah a dit, si la vérité était conforme à leur désir, alors les cieux, la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Au contraire, nous leur avons donné leur rappel, mais ils s'en détournent. Et Allah a dit, suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Et il dit, juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre, et ne suis pas leur passion, et prends garde qu'ils ne te tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et il dit, ils ont certes pris les diables pour alliés, et ils pensent être bien guidés. Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah a dit, un groupe de philosophes comme Abu Ali, Abu Hashim, Al-Qadi, Abu Bakr et Al-Ghazali ont alors suivi un précepte hérétique ressemblant à celui des perfides, selon lequel aucune de ces choses n'a de statut auprès d'Allah, mais son statut revient à la vie et la conviction de chaque personne responsable. Celui qui croit en l'obligation d'une chose, elle lui sera alors obligatoire, et celui qui croit en l'interdiction d'une chose, elle lui sera interdite. Ceci est en résumé leur précepte. Quant aux salafs, aux juristes, aux soufis, à la populace et à la majorité des philosophes, ils condamnent tous ces préceptes et le considèrent comme opposé au Coran et à la Sunna et à l'unanimité des salafs et s'opposent même à toute raison évidente. De même, si nous devions juger les gens en fonction de ce qu'ils pensent, nous devrions juger les juifs et les chrétiens musulmans et bien guidés vu qu'ils sont convaincus d'être sur la vérité et de suivre la volonté du Seigneur des mondes. C'est pourquoi cette règle contredit le précepte hérétique de certains groupes djihadistes qui donnent des excuses aux savants du mal et disent « Lorsqu'ils défendent les tawarites, c'est parce qu'ils sont convaincus que ces dirigeants ne sont pas des tawarites. Comment pouvez-vous les accuser d'aider les tawarites alors que pour eux, ces gens ne sont pas des tawarites ?» Nous leur répondons « Nous les jugeons en fonction de leurs actes et non en fonction de ce qu'ils pensent. Ils savent qu'il y a deux camps. Celui des dirigeants qui abolissent la loi d'Allah et celui des musulmans qui se battent pour que revienne la loi d'Allah. Et lorsqu'ils doivent choisir qui aider et qui combattre, ils aident ceux qui abolissent la loi d'Allah contre ceux qui réclament la loi d'Allah. Et ceci est une apostasie selon la loi d'Allah. Et c'est ceci que nous appliquons sur eux-mêmes si eux pensent autre chose. D'ailleurs, s'ils pensent que ceux qui imposent le recours à la loi du Tarout ou appliquent la démocratie ou fondent les assemblées idolâtres méritent plus d'être soutenus que les musulmans qui n'adorent qu'Allah, c'est qu'ils ignorent qu'est-ce que l'idolâtrie et ignorent qu'est-ce que le monothéisme. Ou alors qu'ils le savent mais par orgueil contre l'islam et par amour pour les tawarites prétendent que les tawarites sont mieux que les croyants, comme le fit Ka'b ibn Ashraf. Allah nous a révélé à son sujet. N'as-tu pas vu ? Ceux qui ont reçu une part du livre, prêté foi au djipt et au tarout, ils disent aux mécréants, ceux-là sont mieux guidés que les croyants. Les points à retenir. Il n'est pas nécessaire que l'apostat soit conscient qu'il est un apostat, ni même qu'il soit conscient que ce qu'il a commis le sort de l'islam. Nous ne nous référons pas à la croyance des gens pour les juger. Nous ne nous référons qu'au livre d'Allah et la sunna de son messager et à l'unanimité de la communauté.